Unité 2. Entraînement au DELF A1. Production orale. Les clés du dialogue simulé. Exemple. Bonjour. Je voudrais louer un logement à partir de la rentrée. Bien sûr. Quel type de logement est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît? Oui. Quel type de logement est-ce que vous cherchez? Grand, petit, en centre-ville? Je cherche un petit studio, mais pas en centre-ville. D'accord. Vous voulez un studio équipé? Pardon, je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous voulez un studio avec des meubles? Nous en avons un. Oui, si possible. Quel est son prix, s'il vous plaît? Le loyer est de 487 euros par mois. Excusez-moi, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, oui. 487 euros par mois. Je vais réfléchir. Est-ce que je peux vous téléphoner demain? Oui. Alors j'attends votre appel. Très bien. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir.